Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, Le génie des bébés, une série documentaire de Nejma Bouakra réalisée par Franck Lilin. Au départ de cette série, il y a l'odeur parfaite de la tête duveteuse des nourrissons et le désir jamais assouvi de savoir ce qui se passe sous ces 6 petits crânes. Mais aussi l'impossible souvenir de ces mois dans l'eau et l'obscurité dont on nous assure cependant qu'ils sont fondateurs. Alors il y a l'envie de remonter le fil petit à petit pour comprendre comment se fabrique l'intelligence des bébés et comprendre comment le lien se tisse ou pas entre le bébé et ceux qui l'attendaient. Alors pour commencer, les personnages. Des prématurés, une mère dans le noir, un médecin qui cherche le lien, des infirmières attentives, une pédiatre aux aguets, un bébé qui reconnaît sa mère, une mère louve, une pédopsychiatre qui veille, un bébé qui se rassemble, d'autres qui rendent fou et un petit étranger. Ensuite le décor, des pleurs et des machines, la maternité Saint-Joseph à Marseille, la peur, le pot à pot, une voix qui rassure, la mort d'un jumeau, des syndromes postpartum, de la joie mais pas toujours et pas seulement, un lieu pour se rencontrer, la psychose puerpérale, des berceuses, l'hôpital de Montfavet et des chuchotements. Aujourd'hui, deuxième épisode, on arrive dans la forêt de bambou. C'est très impressionnant de faire l'expérience de la présence de l'enfant. Par exemple, les soins intensifs de néonatologie peuvent se mettre à hauteur vraiment du bébé prématuré. Je dis toujours la traversée de la forêt de bambou de la réanimation, parce qu'en fait, c'est des objets de soins. Ils sont dans une stratégie fondamentale, vitale, d'être dans des soins intensifs à la naissance, immédiatement, à peine a eu lieu cette naissance prématurée. Vous voyez la forêt de bambou de la réanimation. Vous êtes peut-être vous-même, comme parent, comme soignant, dans un centre de réanimation, dans une difficulté d'entrer en contact avec l'enfant, hein, parce qu'il faut arriver à le rencontrer. Et quand on est dans cette situation, on fait l'expérience de la présence extraordinaire de la vie, à travers en particulier le regard. Le regard qui est là et qui permet la rencontre, qui est lui-même tellement dans une telle intensité, mais il faut s'ouvrir à la rencontre du regard de l'enfant. Le génie des bébés. La clinique du lien. Nejma Bouakra, Franck Lilin. Maternité Saint-Joseph, Marseille. T'as vu la maman de Anas hier? Ouais. Tu la revois bientôt? On dirait que depuis la naissance, on ne lui a pas vraiment expliqué pour son bébé ce qu'il a. Elle ne savait pas qu'il avait un canal artériel. Elle ne savait pas qu'il avait eu une écho-cœur. Et du coup, on a posé... Elle ne parle pas super bien français, donc peut-être que... Peut-être, ouais. On n'a pas vérifié qu'elle avait bien compris les informations. Compris. Du coup, j'ai revu 2-3 trucs avec elle ce matin. Et là, Justine, elle prend un entretien pour bien reposer les choses parce que le bébé, j'ai remis l'oxygène. Ouais. Demain, il a une écho du cœur. Il est bronchodysplasique. Donc du coup, tu vois, ça a un peu évolué. Et ce matin, elle me disait qu'en fait, elle était hyper angoissée parce que peut-être elle t'en a parlé dans sa famille, vers Bordeaux, une cousine ou une amie. Il y a quelqu'un proche d'elle qui a perdu un bébé qui est né à 32 semaines, qui est rentré à la maison à 36 et qui a dû faire une sorte de mort subite. On ne sait pas vraiment le contexte, elle n'a pas trop su expliquer, mais qui est décédée. Et du coup, en fait, elle projette dessus et elle est Enfin, moi, je la découvre aujourd'hui, mais je l'ai trouvée stressée. Elle m'en a fait. Je crois qu'elle a elle une sœur. Elle a sa belle-sœur à Paris et elle, sa sœur à Bordeaux. À Bordeaux, c'est ça. Ouais. Donc, il y a un isolement socio-affectif assez important. Et tu vois, là, toute la journée, elle est dans le noir, quoi. J'arrive, donc je roule, j'essaye de faire un peu des trucs avec elle, je repars, elle se remet dans le noir, elle reste allongée toute la journée. On va aller faire le bain là, mais l'assistante sociale, elle a débloqué des tickets repas, donc au moins elle aura un repas par jour. Et oui, parce que donc j'ai ça, du pain avec du pain et du fromage. Mais je sais pas, ouais. Moi, c'était un premier contact, donc je vais y retourner. Et puis peut-être plus la faire parler sur la représentation qu'elle a de son bébé. Ouais, parce que je pense que c'est difficile. Parce qu'il est énorme, il est en couveuse, lui. Oui, il est en couveuse. Et en plus, je voulais le sortir de couveuse, mais en fait, pas du tout. Il est tout petit, il n'est pas prêt du tout. Il est super fragile. On fait même limite le retour en arrière plutôt qu'un pas en avant, donc je ne peux pas le sortir. Mais là, je vais lui faire faire le bain pour qu'elle fasse un peu des trucs avec lui. Tu l'as déjà vu en relation avec son bébé ou pas? Ouais, ça, je pense que ça va. Je pense que oui. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je pense qu'elle y est attachée et elle y est attentive quand même. Mais je pense qu'il lui fait peur. Et qu'elle a du mal à se projeter sur le plus tard, tu vois. Sur le mot que j'ai marqué, j'ai mis entre guillemets, elle m'a dit la première fois que je l'ai vu, il m'a fait peur. Ah ben tu vois, tu regarderas sur le mot. Mais c'est quand elle le regarde, tu vois qu'il y a un attachement. Mais tu vois qu'en même temps, elle a peur et que pour se projeter, c'est un peu difficile, quoi. Évoque première fois qu'elle a vu le bébé, j'ai eu peur. En référence à sa petite taille, à son petit poids. Mais je la sens sur le fil, comme lui d'ailleurs. Je la verrai demain. Donc dans ce service où naissent de nombreux petits prématurés, être au rendez-vous à l'heure de son bébé, même quand on ne l'attend pas à cette heure-là. Ce n'est pas toujours évident. Du point de vue physique, il se passe des choses chez une femme qui sont quand même inhabituelles. Hein. L'enfant sort du ventre, est posé à côté, on se retrouve devant un être vivant, on se dédouble en quelque sorte, dont on nous a fait croire qu'on comprendrait tout de suite ce qu'il aimait. Et en fait, cet instinct maternel qu'on a annoncé n'est pas au rendez-vous. Docteur Michel Bartoli. Si en même temps s'installe entre cet enfant et sa mère, et j'ai envie de dire la famille, une pathologie, c'est encore plus difficile à comprendre. Mais ensuite, le mettre en application, être au rendez-vous de son bébé, tel qu'on ne l'a pas imaginé, ou en détresse, ça c'est beaucoup plus difficile. Manuel, vous observez ça, des investissements, détachement de la part des mamans? Selon le contexte de naissance, selon s'ils sont prématurés, oui. Surtout quand c'est comme le bébé dont on parle, qui est né à 28 semaines, qui est passé par la réanimation. Du coup, le lien, il n'a pas pu se faire aussitôt parce qu'il y a beaucoup d'appareillage. Du coup, c'est des bébés qui ont eu du mal à être investis, entre guillemets, où il n'y a pas eu de contact physique pendant plusieurs jours. Et du coup, oui, souvent, par peur de s'attacher, parce que on dit bien tous les jours, surtout en réa, que on ne sait pas trop de quoi demain va être fait. Et du coup, c'est au jour le jour, et c'est vrai que ça freine un peu, et c'est plus difficile de s'approprier son bébé. On reste combien de temps ici à l'hôpital Saint-Joseph? Alors ça dépend de ce qu'on a, ça dépend de la prématurité, si elle est importante ou pas. Il faut que la maman et le bébé puissent tous les deux être autonomes. Et puis, on s'adapte aussi à l'aptitude ou à certaines familles. Il y a des mamans qui ont du mal à sortir, il y a des mamans qui disparaissent tout d'un coup. On les met en présence avec leur bébé qui craque et tout d'un coup, elles nous racontent qu'elles ont des papiers à faire, etc. C'est trop. Voilà. Elles n'arrivent plus à se rapprocher de leur bébé. C'est tout un travail de toujours les tenir l'un et l'autre et essayer de les remettre en présence. Donc, et puis, il faut que la famille soit prête. Et aussi qu'elle soit prête du point de vue social aussi, parce que bien entendu, on est tous égaux devant la naissance et sont présents dans les services de néonatologie, toutes les classes de la population et toutes les galères. Et ça aussi, c'est à prendre en compte. Hein, papier, pas de papier, mère seule, père incarcéré, pas de parents, né sous X, c'est à l'extrême. Hôtel, oui, on peut peut-être parler de... Effectivement, maintenant, et surtout dans le sud de la France, on a des mères qui n'ont pas de papier, qui sont à l'hôtel et qui ont des jumeaux et qui n'ont le papa est en Italie, qui peut passer sur la frontière, etc. Enfin, tout, voilà. Bon, aussi bien que le 8e arrondissement, médecin qui fait appeler toute sa famille. Donc dans le service de néonatologie, les mamans peuvent rester avec leur bébé hospitalisé pendant plusieurs semaines, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Il y a 2-3 ans, docteur Julie Marcoux, les bébés qui nécessitaient une hospitalisation en néonatologie, le plus souvent pour prématurité ou des difficultés d'adaptation à la naissance, étaient hospitalisés. Les parents leur rendaient visite la journée, cela pendant tout le séjour nécessaire à la sortie du bébé. Et quelques jours avant la sortie du bébé, les parents rentraient en chambre avec le bébé pour s'occuper sur 24, 48 heures, 72 heures du bébé avant de retourner à la maison. Actuellement, dès que l'état du bébé le permet, y compris en couveuse, le bébé est scopé, donc avec un appareil pour surveiller le rythme cardiaque, la fréquence respiratoire, la saturation, en chambre. Et la maman, parfois le papa, souvent, dorment dans la chambre en continu, 24 sur 24, auprès de leur bébé, parce que on sait qu'un bébé se développe mieux quand il est en contact permanent avec ses parents. Et du coup, dans un souci de lien parent-bébé, on maintient le lien depuis l'accouchement jusqu'à la sortie du bébé, le retour à domicile. C'est-à-dire que si on doit séparer un bébé de sa mère, on doit avoir les arguments pour le faire, sinon on doit tout faire pour ne jamais les séparer, quelle que soit la pathologie. On ne doit pas considérer que cette séparation est un effet collatéral de soins d'un nouveau-né, mais ce doit être raisonné autant que les soins. Donc on reconsidère chaque situation, bon, ici vous êtes dans une unité néonatale de soins intensifs, on doit redéfinir en permanence l'état de l'enfant pour se poser la question du rapprochement de sa mère. Et ça, c'est la part d'une observation que vous avez eue, clinique ? Il y a de plus en plus de travaux qui montrent que réunir ou laisser une mère avec son enfant, ou l'inverse, donne de meilleurs résultats, notamment les troubles cognitifs. Et ça, si la pathologie survient, ou même lors d'un accouchement, c'est-à-dire pratiquer un pot à pot ininterrompu, c'est-à-dire l'enfant naît, est posé sur sa mère, et reste sur sa mère au moins une heure. Aux parents, on leur dit d'ailleurs, ils peuvent être un peu impressionnés par le côté technique des machines, de l'alimentation, des sondes, etc. Et se sentir un peu inutile, surtout devant un bébé qui dort beaucoup. Donc c'est vraiment hyper important de les mobiliser, de les encourager et de leur dire que ce qu'ils font, c'est-à-dire être présent auprès de leur bébé, c'est hyper important. Tout ce qui permet de réassurer le bébé, parce que il va entendre des voix qui sont familières. Quand il est en peau à peau, il entend tous les bruits intérieurs de sa maman qu'il entendait quand il était in utero. Les bébés qui ont très peu de visites, qui ont les parents qui ne peuvent pas être auprès d'eux, sont souvent des bébés qui vont, comme ils ont été découragés, c'est-à-dire qu'au moment où ils ont eu des phases d'éveil, en fait, il n'y a eu personne pour saisir ces moments-là, pour leur donner envie d'interagir. Et donc, un bébé qui n'a pas ces phases d'éveil saisies par les parents, parfois le personnel, se décourage et du coup, n'a plus de raison de se réveiller et va va fonctionner en mode économique. Et on peut imaginer qu'une maman qui ne peut ni nourrir, ni soigner, ni langer son petit se sent un petit peu démunie. Complètement. Effectivement, c'est très dur. La frustration est grande d'être maman et de ne pas pouvoir tenir son rôle maman comme elle l'imaginait. Mais que c'est qu'une question de temps et que, parler à son bébé. Puis le bébé... montrer les compétences du bébé. Parce que souvent, on se dit, il est là, il est dans sa couveuse, il ne sait rien faire, il ne fait rien. Mais en fait, le bébé, il sait leur montrer plein de choses si elles prennent le temps de les observer et surtout de les valoriser dans ce rôle. Là, on a besoin des parents, c'est eux aussi qui nous guident pour les soins des bébés. Et par exemple, un bébé qui a plus envie d'être touché ou qui a besoin de calme, il saura le montrer parce qu'il va bâiller, il va faire des petits ralentissements au niveau de son cœur, il va avoir des petits soubresauts. Et ça, c'est important aux parents d'apprendre à décoder, entre guillemets, ces petits signes. Vous arrivez le matin ? Oui. Vous arrivez plutôt vers les midis, vous ? Ça dépend, ce matin, à peu près vers 11h. Et quand vous êtes arrivé, vous lui avez dit bonjour, tout ça. Est-ce qu'il se manifeste ? Parfois, il va voir le voroscope aussi. On reconnaît vraiment qu'il sait que c'est moi. Vraiment. Pourquoi vous le voyez ? Parce qu'il essaie de s'étirer, d'ouvrir les yeux. Il bouge, il reconnaît que c'est moi, quoi. C'est super, il me sort pareil. Je le rassure en lui disant que demain, maman, elle revient. C'est dur de le quitter? Ah oui. Ou c'est un soulagement? Parce qu'en fait, toute la journée, quand même, non, sur ce c'est fauteuil, très dur. C'est pas, ah ouais, c'est mais non, je suis trop bien ici. Donc je pense que aussi, vous, physiquement, ça va oui. un peu mieux. C'est ça. Ça va un peu mieux. Mais oui, le soir, c'est toujours dur de le laisser. Quand je sors de l'hôpital, je suis vidée. Il me faut un moment, je m'assois, je mange un petit morceau parce que je me sens complètement... Épuisée. Ouais, on dirait que ben, je repars seule, en fait. C'est très dur. Mais oui, tu nous écoutes. Oh, mon amour. C'était inattendu qu'il vienne plus tôt? Ben, je m'en doutais un petit peu parce que c'était une grossesse gémellaire. Donc du coup, je me doutais qu'il y avait des risques de prématurité, mais j'aurais pas pensé si tôt. Timéo donc avait un jumeau et lors d'une échographie, je crois à 5 mois. À 5 mois et demi. Votre jumeau n'avait plus d'activité cardiaque. Du coup, il restait que Timéo. Et donc la maman, quand elle a accouché de Timéo et de son petit frère décédé. C'est ça. Voilà. Comment est-ce qu'on vous a formulé pour l'échographie? Oui. Ah non, elle a dit « Oh punaise, j'avais pas vu ça le mois dernier. » Donc en fait, quand elle a dit « Oh punaise », j'ai dit « Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème ?» J'ai eu très peur. Donc, et en fait, elle a dit « Non, non, mais je l'avais pas vu le deuxième. » Tout au long de ma grossesse, chaque mois, j'ai pris des photos de l'évolution de mon ventre. Et du coup, là, dernièrement, j'ai fait mon livre de grossesse. Et en fait, sur chaque photo, tout était en double, des chaussons, les jouets, posés sur mon ventre. Donc du coup, je pouvais pas les effacer. Et c'est là que je me suis dit qu'il fallait que je déclare son petit frère. Voilà. J'ai porté les deux, donc c'était pas possible que j'oublie l'autre, on va dire. Donc voilà. On peut sortir de façon un peu expéditive aujourd'hui des maternités? C'est la règle, hein. On ne garde pas une femme qui vient d'accoucher quand l'accouchement a été normal au plan somatique et quand le bébé va bien. Ceci dit, une maman qui vient d'accoucher, elle a souvent besoin d'un entourage, elle a même toujours besoin d'un entourage et de soutien, et la famille peut tout à fait faire ça, mais quelquefois la famille n'y est pas. Évelyne Lenoble. Ce qui était classiquement fait par les équipes hospitalières, notamment les puéricultrices, ne peut plus vraiment être fait à l'hôpital, donc il faut un relais en ville et il n'est pas toujours assuré. En tout cas, il est moins contenant qu'une structure hospitalière, ça c'est clair. C'est 48 heures, c'est ça? Souvent, quand tout s'est bien passé, 48 heures, au maximum 3 jours après, la maman et le bébé sont sortis. Hein. Que deviennent les mamans qui éprouvent des difficultés à l'aube de la vie de leur bébé? Bon, je ne suis pas très bien placée pour vous répondre, mais dans le meilleur des cas, elles cherchent de l'aide, et ça c'est quand ça va bien. Et elles cherchent de l'aide, et si ça va pas trop mal, elles en trouvent. Si ça va pas bien du tout, et si elle s'isole, et si elle se replie, là, les difficultés commencent. Parce que, effectivement, personne ne leur parle, et elles ne peuvent parler à personne, et du coup, très souvent, elles ne parlent pas au bébé. Et si une maman ne parle pas à son bébé, eh bien, c'est compliqué. Puisqu'il a besoin de ça, pour se représenter ce qui lui arrive. Un bébé tout seul... ça fait pas grand-chose, ça se cherche. Il y a une appétence du bébé pour la relation qui est absolument spectaculaire. Parce qu'effectivement, quand on change un bébé et qu'on est bien, par exemple, on n'arrête pas de s'amuser, de lui parler, de lui faire des blagues, de l'appeler par son nom, par son prénom, d'inventer des choses. Une maman déprimée, qui n'a personne à qui parler, elle peut lâcher de ce côté-là. Michel Anisset. La réflexion, elle a commencé dans les années 87-88. Voilà. C'est là qu'on s'est mis à réfléchir sérieusement sur comment on pouvait faire pour prendre en charge des tout jeunes enfants, quoi, des bébés, puisque la pédopsychiatrie, il n'y a pas de limite inférieure. C'est de la naissance à 16 ans, normalement. Voilà. C'est cette réflexion qui nous a ensuite amené à faire des prises en charge et à orienter le travail d'une certaine façon. Ce qui est le fond commun de ça, c'est le travail sur le lien. Sur le lien mère-enfant, comment il se construit et comment les perturbations de ce lien peuvent influencer le développement de l'enfant. Et comment maintenir ce lien? Voilà. Comment le maintenir et comment faire pour que ce lien soit vivant, voilà, et qu'il ne soit pas mortifère. Mortifère pour la vie psychique. Le travail sur le lien, c'est un travail particulier parce que ce n'est pas un travail sur la mère, ce n'est pas un travail sur le bébé, c'est un travail sur ce qui se passe entre les deux. Et comment les choses se construisent, puisque là on est à l'aube de la vie, c'est les choses se construisent là et se construisent même déjà pendant la grossesse. Et l'importance d'un lieu pour accueillir justement des personnes plus vulnérables, mère et bébé? Alors un lieu spécifique, déjà c'est Est-ce qu'il se passait quoi dans les maternités? Dans les maternités, les femmes vont accoucher, puis on les fait sortir au bout de même pas une semaine. Donc il ne se passe pas grand-chose. La plupart des pathologies de la mère qui interviennent dans le postpartum, elles échappent au dépistage parce que les femmes sont sorties avant que ça se manifeste. Elles sortent chez elles, la plupart du temps. Et s'il n'y a pas un entourage vigilant, et ben les symptômes passent inaperçus. Et la dépression de la mère passe inaperçue. Et ensuite, on s'en aperçoit au bout de 6 mois, ou quand il y a déjà quand même des dégâts. C'est peut-être le mot est un peu fort, mais une perturbation importante de la construction du lien. Donc, la pathologie, on va dire, existe, oui. Mais fin des années 80, début des années 90, pas de lieu pour accueillir les mères et les enfants. Voilà, il y avait des lieux, mais quelques-uns en France, mais pas beaucoup. Et surtout en région parisienne, en fait. Et les psychoses puérpérales, les dames arrivaient en psychiatrie adulte. Et les bébés étaient soit dans la famille, soit placés. Placés dans une pouponnière? Oui, dans une pouponnière, oui. S'il n'y avait pas de famille pour les accueillir, sinon c'était le père, les grands-parents, enfin bon, voilà. Donc rupture du lien. Elle est enroulée dans mes bras. Elle ne se laissait pas faire tout à l'heure, elle était trop tendue. Mais là, avec mon portage, je l'ai enroulée. Elle l'a saisie. Elle a resserré ses mains, serré ses poings. Elle se rassemble. Mais elle a encore les sourcils froncés. Elle a le front encore un petit peu. Elle n'est pas tout à fait détendue encore. Je l'ai connue dans le ventre de sa maman. À la maternité, je l'ai rencontrée. Sa maman, elle ne pouvait pas. Elle n'était pas très bien en consultation avec la psychologue. Je lui ai proposé de la prendre. Elle a accepté tout de suite. Mais c'est parce qu'on se voit déjà depuis quelques mois. Sinon, je ne l'aurais pas proposé. Et Mia est venue dans le ventre de sa maman aux soins berceuses. Donc, elle connaît déjà nos voix. Et là, ça va être son troisième soin berceuse après la naissance. J'ai peut-être une bulle coincée, je ne sais pas. Depuis hier, elle pleure. Maman nous a dit que depuis hier soir, elle est coincée. Unité parents-bébé, hôpital psychiatrique de Montfavet. Ça sort d'un ventre, et ça subit la gravité et un nombre absolument invraisemblable de stimulations qui viennent de toutes parts. Et lui, il n'a aucun appareil pour contenir à l'intérieur de lui l'ensemble de ces stimulations. Caroline Monin. Mais bon, elles arrivent, il est éprouvé de toutes parts, tout le temps. Il lui faut cet environnement en premier lieu maternel, mais même plus large, pour faire appareil. Il est en voie d'organisation plutôt que désorganisé. Après, on peut rencontrer des bébés qui sont désorganisés, qui n'arrivent pas à s'organiser. Mais est-ce qu'il est fou au sens de désorganisé ? Non, il est bébé. Il n'est pas fou, mais il peut rendre fou. Là-dessus, on est bien d'accord. Mais c'est un postulat qui va effectivement rassurer les mères et les pères en les décalant un petit peu et pour accéder aux soins et de venir dans un lieu de la psychiatrie avec un petit peu moins d'angoisse. Ou de Lefèvre. Et cette accessibilité aux soins, puisque nous travaillons que à la demande des parents. Il n'y a pas d'injonction de soins. La question de la précocité est une vraie question, c'est-à-dire comment approcher ces mères, ces pères et ces bébés, parce qu'on sait qu'ils vont consulter que, alors pour nous tardivement, c'est-à-dire au moment de l'inscription dans le champ scolaire par exemple. Donc effectivement le bébé, à quelques jours de vie, il est très rare dans nos cabinets. Ici, à l'unité parents-bébés, effectivement on a ce terrain clinique incroyable, incroyable de pouvoir accompagner en anténatal tout de suite après un accouchement jusqu'aux 18 mois du bébé. Ouais, moi, ce qui me semble tout à fait important, c'est d'ouvrir un lieu pour que les parents puissent dire que c'est pas si simple, quoi. C'est quand même compliqué. J'y arrive pas avec mon bébé, j'y arrive pas à le rencontrer. Lucie Charial. Enfin, voilà, et toute cette souffrance, à quel point c'est excessivement difficile de pouvoir faire avec ce petit être qui vient d'arriver, dont on est extrêmement dépendant, dont il est extrêmement dépendant, et toute cette souffrance que, en tout cas, un lieu où les parents puissent dire à quel point c'est difficile pour eux. Et je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui beaucoup à beaucoup de parents. Certaines mamans témoignent de l'aspect un peu expéditif de l'institution après la naissance, d'être un peu comme ça, livrées à elles-mêmes, enfin voilà, et qu'elles n'ont plus qu'elles-mêmes à se débrouiller. Mais c'est vrai que ça, c'est incroyable. Je veux dire, en 3 jours, elles doivent déjà avoir accouché, avoir réalisé qu'elles ont un bébé et être compétentes avec ce bébé. C'est-à-dire qu'elles retournent à la maison avec ce petit être, alors qu'on sait qu'en 3 jours, on a juste la montée de lait. Et puis, c'est très compliqué de fait pour ses parents. Et on manque de lieux dans nos sociétés pour pouvoir tout simplement se poser, tout simplement pouvoir poser le bébé quelque part et juste se dire, je ne veux pas tout de suite m'en occuper sans que ça soit trop culpabilisant. Là, quand elle s'endort comme ça, elle s'endort presque. Ah non, elle veille, elle veille. Ouais. Alors, bien sûr, quand ça fait un moment qu'elle pleure et qu'on ne sait pas quoi faire et qu'il peut y avoir des moments de stress comme ça, mais je ne sais pas, il suffit de respirer un peu et de se souffler, de prendre un petit peu de recul. Et globalement, c'est quand même que de la joie, quoi. Malgré tout ce qu'il y a, quand elle dort, qu'elle pleure, qu'elle Tous les moments sont joyeux. Je sais pas ce que t'en penses. Ben ouais, c'est vachement d'émotion. Et moi, je me suis retrouvé souvent au boulot, avoir des flashs de Mia et puis d'avoir une émotion forte, avoir les larmes aux yeux. On devient encore hypersensible, quoi. On devient hypersensible. Ouais. Des moments d'émotion. Après, je suis vachement plus sensible à la. Il y a une espèce de. Qui était en moi, mais par rapport à la famille, enfin, ça me touche, mais d'une manière. Un truc de fou, quoi. Enfin, maintenant. C'est comme si ça. Il y avait des murs, et puis parfois il y a des implosions. Des briques qui tombent. Et quand ces briques tombent, je suis avec Cécile et Mia, enfin, je sais que je suis bien. Parce qu'il y a quelque chose, c'est Mia, puis c'est notre enfant à nous. Enfin, c'est une veille. C'est pas une veille, on va dire, stressante ou angoissante. Je pense que c'est de veiller à être sur ma responsabilité, moi, en tant que. Le père, voilà, je suis ton père. Ouais. il peut y avoir une sorte de norme qui est celle justement du bonheur familial, d'être, il faut être heureux, ou en tout cas il faut le manifester. C'est pesant ça parfois. Bon. Oui, c'est pesant. Les moments difficiles font partie de la vie, je crois, quelle que soit l'intensité. Globalement, de libérer la parole sur les moments difficiles, c'est... Et je pense que, voilà, si on met pas de la lumière, de la, des mots, de la joie dessus aussi, justement, la joie de voir, d'éclairer ces zones d'ombre, et ben voilà, on rentre dans quelque chose qui est un peu faux, je pense, qui est faux. Aujourd'hui, on peut évoquer un certain nombre de mots comme la dépression, postpartum, parfois des psychoses, là c'est plus difficile, mais un certain nombre de termes sont presque rentrés dans la langue commune. On peut en parler avec moins de honte, non, que dans le passé. Je pense qu'on a fait un vrai progrès, alors de qu'en a-t-il, difficile à dire, mais... Je dirais que depuis une quinzaine d'années, il est plus facile de parler de dépression en général, et un peu plus facile pour les mères qui sont dans un état de dépression du postpartum avéré, de se le dire à elles-mêmes, de le dire à leur compagnon ou à leur compagne, et éventuellement de le dire à leur entourage proche. Michel Dunia. Ce qui reste, à mon avis, au jour d'aujourd'hui, vraiment tabou, c'est l'absence d'élan, cette fameuse histoire dite de l'instinct maternel. Cet élan, il peut faire défaut au début, juste au moment de la naissance, dans le premier regard entre la mère et le bébé. Certaines femmes ne s'y retrouvent pas. C'est-à-dire qu'elles ne rencontrent pas immédiatement leur bébé, et certaines le racontent très bien. Qu'est-ce que ça veut dire, ne rien ressentir ? Avoir le sentiment qu'il y a comme un blanc. Je tiens ça d'un collègue britannique, Shani Kumar, qui avait mené une étude en faisant appel à des femmes qui avaient traversé ça et qui disait « ça pourrait être l'enfant de n'importe qui, anybody's child ». C'est-à-dire qu'elles s'occupent bien de l'enfant, qu'elles peuvent de façon adaptée jouer, le nourrir, mais qu'il n'y a pas les émotions qui accompagnent ce qu'on appelle, en termes un peu techniques, l'expérience de la parentalité. La dimension intime, la dimension subjective de la parentalité. Expérience qui débute au moment, alors qui débute avec le bébé de l'extérieur, parce qu'il y a aussi le bébé de l'intérieur, mais qui débute au moment où le bébé est posé, remis, par la sage-femme ou par l'obstétricien, à la mère, généralement sur son sein. Il peut n'y avoir aucune émotion particulière, ou les émotions qui surviennent peuvent être des émotions négatives, l'impression que c'est un étranger. Un étranger qui était en soi, et qui maintenant est hors de soi, mais un étranger, et avec l'impression, parfois, qu'il va rester un étranger. C'est une question, qu'est-ce que vous avez ressenti, madame, que l'on pose juste après la naissance ? Que l'on pose après la naissance, ou qu'on l'on pose quelques semaines ou quelques mois après, quand on reçoit, bien trop tard à mon goût, des femmes qui présentent une difficulté qui sera étiquetée rapidement dépressive par le médecin généraliste ou par le psychiatre, on revient au moment de la naissance, qui est un moment de chaos, disent certains, un moment de réorganisation pour certaines, et parfois un moment de désorganisation. Et qu'est-ce qui vous a amené à avoir à ressentir la nécessité d'être accompagnée ? Moi, j'avais un traitement. Traitement médicament pour une dépression. Et donc, c'est sous les conseils de notre médecin. Il nous a proposé de venir à l'UPB. C'est un accompagnement vraiment qui se fait en douceur. Un tout petit comme ça, d'un mois et demi, c'est très vulnérable. Ça peut être inquiétant parfois. Ah ouais, ça c'est sûr. On se sent vraiment... Là, on a une responsabilité énorme. Hein. C'est... Ouais. Ça, et puis... Le regard d'un bébé, alors je crois que c'est tous les bébés, alors elle, ça nous a fait ça. Elle regarde tellement, on dirait qu'elle va chercher au fond de l'âme tous les petits secrets, c'est troublant. C'est très troublant. On peut avoir peur de ce qu'elle découvre. Ah bah oui. Ah oui. On est ses propres miroirs comme elle est notre propre miroir à nous. Le mystère restera toujours. Je pense. Est-ce qu'on peut évoquer la dépression que vous avez faite? Oui. On parle parfois de dépression après la naissance, mais vous, elle était là au préalable. Oui, elle était là avant. Ouais. Et vous le saviez? Oui, oui, je le savais. Ouais, ouais, ouais. J'étais déjà suivie. Ouais, ouais. Et je m'en occupais, hein. Voilà, mais j'avais un peu perdu le sens des choses, le sens de la vie. Voilà. Quels étaient vos combats intimes? C'était surtout, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas lui refiler des trucs? Et est-ce que je vais pas me poser toutes ces questions de, voilà, me retrouver dans de vide et des moments comme ça, de non-sens et de vide, hein, voilà. Mais pour moi, c'était la peur d'avoir des moments de flottement, de doute, de... Voilà. C'était surtout ça, et de ne pas être assez présente. Quand vous dites flottement, qu'est-ce que c'est? C'est des moments de mélancolie? Ça peut être la mélancolie, ça peut être... Oui, c'est de la mélancolie, de l'angoisse. Moi, j'ai des moments où... Enfin, où j'avais plutôt des moments où... Voilà, où je pouvais rester assise comme ça, à errer dans ma tête, sans pas savoir bien qui j'étais, où j'allais, pourquoi, comment, voilà. Et... Vous avez eu peur de vous absenter? Oui, de m'absenter dans le lien. Ouais, de pas être là. Que viennent chercher les mamans là? Qu'est-ce que vous ressentez, vous? Alors, ben, l'état d'angoisse est souvent majeur. Les qualités d'angoisse sont pas les mêmes. Hein. Une dépression postpartum, c'est pas non plus une maman qui souffre de troubles psychotiques, et elles auront évidemment pas ce qu'on appelle les mêmes qualités d'angoisse. Il y a des mamans qui arrivent très angoissées par la peur de mal faire. Ça n'est pas pareil qu'une angoisse de ne plus reconnaître son bébé ou de ne plus être reconnue par son bébé. Voyez, un environnement apaisant, elles viennent chercher un environnement apaisant, elles viennent chercher à ce qu'on puisse traduire cette angoisse, qui bah, par définition pour tout le monde l'angoisse, ça manque de mots, hein. C'est sans mots, c'est très somatique, c'est dans le ventre, c'est dans la poitrine, elles viennent chercher une traduction possible, hein. Et c'est le travail qu'on fait à trois, voilà, bébé compris. Le bébé témoigne par le corps aussi. Oui. Le bébé a toujours une attitude corporelle qu'on peut tenter de traduire avec la maman. Un bébé pédale pas toujours avec la même qualité de pédalage. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Les bébés, on dit qu'ils pédalent, hein, c'est quand ils remuent beaucoup les jambes. Il y a des bébés chez qui c'est un mouvement qu'on sent très ludique et dans le plaisir. Il y a des bébés chez qui on éprouve que c'est une décharge d'excitation qui n'est pas contenu, voilà. Alors, la maman s'en aperçoit, le prend dans les bras, tout ça, c'est parler aussi, hein. Parfois, la maman est surprise qu'on puisse lui dire « Ah, mais peut-être que là, il n'est pas tout à fait bien. » Ou peut-être que son pédalage demande aussi que vous le preniez dans vos bras. Ça permet aux mamans, ça fait ressort aussi pour les mamans, parce qu'elles s'identifient à leur bébé, raconter un peu leurs éprouvées à elles. Et comment elles font, elles, avec ses charges d'angoisse et ses charges d'excitation, hein? Parce qu'elle, elle pédale pas. C'est ça, c'est exactement ce que je suis en train de me dire. Elle est contente de se mettre debout. C'est la première fois qu'il faut comme ça pendant longtemps. Oui. Mais oui, mon bébé, oh là là. Ouais. On est plus apaisé. Ah oui. On vient faire de la psychomotricité avec Victor depuis, je sais pas, un mois à peu près. Un peu plus peut-être. Un mois et demi on a commencé. Donc c'est dans cette pièce et il connaît bien. Il connaît bien les lieux. Pièce. Donc aujourd'hui, c'était votre soin piscine, à vous deux. Ouais. Notre dernier. Et le dernier. Ça y est. Des soins, c'est bien familiarisé avec. Aujourd'hui, il a tapé. Ouais, mais ça y est. Il a arrosé. À l'aise. C'est beaucoup debout. C'est beaucoup redressé. Chose qu'il ne faisait pas. Pas du tout, hein. Avant. Ouais. Qu'est-ce qui se passe pendant ce soin? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un premier temps où on est tous les deux, enfin tous les trois avec Florent dans la piscine. Voilà, il joue, il découvre. Et après, le deuxième temps, c'est plus pour moi, pour vraiment de la relaxation, apaiser un peu les tensions. Ça peut-être vous a permis, enfin je parle à votre ouais. Cas, de recontacter un peu des moments de, vraiment de plaisir avec Victor. Très intention quand on est arrivé, très tendue, la relation était très tendue. Enfin, du coup, quand j'en parle, ça me fait un peu d'émotion parce que c'était il n'y a pas très longtemps quand même. Oui. Mais c'est vrai qu'on peut dire que pour nous, ça a été très bien. Parce qu'en peu de temps, on a une. Enfin, moi, je trouve une belle. Oui, c'est vrai, peu de temps, hein, peut dire. Ça a été assez rapide. L'idée, c'est de vous mettre dans le même modèle. Ouais. Si. De reconnecter un peu là. Et de prendre soin de vous ensemble, dans un même bain et autour du jeu, autour de choses simples. Hein. Ouais. Oui, parce que c'est rien de fou en fait. Mais c'est... Et d'accueillir ce qui vient. Quand vous avez rencontré Victor, il avait 9 mois. C'est grand, c'est déjà un grand bébé. Oui, c'est un grand bébé qui doit savoir faire déjà pas mal d'acquisitions sur le plan moteur, qui doit pouvoir se déplacer, s'asseoir. Et qui correspond, sans l'enfermer dans une grille, quand même à un certain niveau de développement aussi morphologique. Nathalie Arroca. Et c'est un bébé qui avait arrêté son développement, morphologiquement. Et à quoi est-ce qu'on peut bien rapporter ça? Ce sont des questions relationnelles, des questions pratiquement médicales, in utero. On ne sait pas, vous ne savez pas vous-même? Non, on ne sait pas. Ce qu'on peut faire après, ce sont des liens, des hypothèses avec ce que la maman nous apporte et ce qu'on peut observer de notre place, hein, parce qu'on n'a pas tous les éléments. On travaille aussi avec ce que les mères nous apportent, des éléments de leurs histoires et avec ce que le bébé apporte aussi, de sa façon d'être, de communiquer et son style à lui. Hein. Chaque corps a son propre langage et justement, il y a beaucoup de corps. Il y a beaucoup de corps du côté du bébé et c'est une clinique où il y a beaucoup de corps et où l'analyste fait beaucoup aussi avec son corps, dans ses éprouvés, dans ses émotions. Parce que les mots peuvent... Il peut y avoir un usage du dire, c'est-à-dire que ça peut être aussi un usage violent. Oui, oui, oui, ça peut faire effraction. Les mots peuvent faire effraction. C'est pour ça que je parle de proposition, moi. Hein, c'est-à-dire que interpréter, mettre des mots sur des symptômes, sur une histoire, c'est une proposition que l'on fait au bébé, avec beaucoup de précautions. Ce qui peut paraître surprenant, c'est qu'on ne sait pas ce qu'un bébé comprend, puisqu'il ne parle pas encore. Dolto disait, elle partait du principe qu'un bébé comprend, mais on ne sait pas ce qu'il comprend. Et on va faire avec ça. On va faire avec ce pari que le plus important, c'est d'en nommer quelque chose et qu'après, ce qu'il va en faire, ça va nous échapper. Et Victor, tu es d'accord avec ça? C'était un peu ça, hein? se disait vite, vite, vite qu'on arrive. Qu'on voit Florence, qu'on se calme, qu'on se détende. Oui. Attends. Attends. Oui, parce que maman, souvent, elle te dit attends. Et oui. Et oui. C'était difficile de porter Victor. Quand vous êtes arrivé à Serré, il était difficile. Oui, il était toujours en... toujours en crispation. C'est plus le même bébé. Donc, tu vas installer. Ah oui, sur les genoux de ta maman. Il y a eu un changement énorme dans notre relation. Et vous avez réalisé quand qu'il y avait un problème ? Tard, hein, quand même, un peu. Apparemment, j'arrive, je suis arrivée un peu sur le tard. Victor était déjà grand. Il avait... Là, parce que j'avais l'espoir de... 9 mois. C'est arrivé toute seule, quoi. 9 mois ? Ouais, c'est ça, 9 mois. Jusqu'au jour où c'était trop dur, quoi. Là, j'ai compris qu'il fallait une aide plus profonde que ma famille ou mon mari. Et en plus, en venant ici, je me suis rendu compte que si j'étais pas folle chez moi toute seule avec mon problème, quoi. Oui, il y a un problème, et oui, on va vous aider. Ça, c'était très important psychologiquement pour moi. Est-ce que vous avez eu très peur ? Vous avez eu peur ? Ouais, c'était. Je sais pas comment expliquer, c'était une souffrance psychologique en fait. J'avais l'impression que j'arrivais pas, quoi. Ouais, quand une maman elle arrive pas à s'occuper d'un bébé, c'est compliqué, quoi. Surtout que j'avais déjà eu un autre enfant. Ça s'était très bien passé. Donc pour moi, je me retrouvais face à un mur, quoi. Donc ouais, il y avait des grands moments de solitude, quoi. Les émotions sont horribles, décuplées. Le pleur est omniprésent de l'enfant, de la maman, donc c'est assez horrible. Je pensais pas qu'on pouvait autant pleurer. Parce qu'on ne sortait plus de chez nous, ça faut le dire aussi, c'est horrible. Les mamans qui sont dans cet état, on peut plus sortir de sa maison. On peut plus voir les gens. Donc c'est très compliqué. Vous avez cherché et vous avez trouvé de bonnes réponses. C'est ça. C'est ce que je me dis, c'est que j'ai bien fait de faire cette démarche parce que ça a payé, quoi. Même si ça a été lourd, que ça a demandé beaucoup de moi, de ma personne, de changer, de tout ça. Et je me dis que maintenant, ça y est. Je suis désolée, ce craquage de feu. Les émotions qui sortent. Ouais, et puis en plus, ça a été quand même très difficile, la période. Donc, je pense qu'il va falloir du temps avant que ça... Là, ça va mieux, mais... Ça va mieux, mais c'est pas loin de... C'est pas loin, voilà. Donc, des fois, rien que d'y repenser, ça me... Il y a eu beaucoup de facteurs qui nous ont menés ici, en fait. J'ai eu une amniocentèse à 7 mois de grossesse. Avec... parce qu'il avait une grosse tête, un gros abdomen, donc il présentait une maladie génétique rare, sans traitement. Enfin, un truc assez horrible. Donc, à 7 mois de grossesse, j'ai eu une grosse, grosse... un gros blocage, en fait, un gros stress. Et du coup... je pense que ça a joué aussi sur l'arrivée. Je me suis surprotégée et du coup, j'ai eu du mal à rentrer. Et quand vous avez vécu cette amniocentèse, est-ce que ça vous a arrêté dans votre rêverie à propos de Victor ? Oui, voilà, c'est très difficile d'en parler. Ben oui, parce que clairement, on allait chercher des maladies sans traitement. Donc forcément, il me parlait d'avortement, de trucs comme ça. Donc forcément, avec mon mari, on a été obligés de réfléchir. Bon, on attendait les résultats. Bon, le docteur nous disait que quand même, il y avait peu de chances qu'il y ait la maladie. Mais bon, quand même, on faisait la myosynthèse. Donc on a dû quand même, avec mon mari, se positionner sur avortement ou pas, quoi. Donc à 7 mois de grossesse, oui, ça m'a... Ben, on ne cherchait plus de prénom, voilà. Pas de liste de naissance. Enfin, c'est un peu le moment où d'un coup tout prend un peu une tournure. Voilà. Et puis là, d'un coup, moi, ça m'a mis un gros blocage. Et vous avez... quand est-ce que vous avez regagné des rêves, des rêveries de maman ? Oh, c'est il n'y a pas très longtemps. Hein. Ça s'est fait il y a quoi ? Il y a un mois à peu près. Ouais, à partir de un an, il y a eu un bon changement. Ça a été un an, oui, je pense que c'est une date. Ça a été un bon déclic pour passer dans le côté positif de la relation. Donc là, ça y est, on revoit nos amis, on fait des choses. Enfin, ça, c'est très important, je trouve. Pour lui aussi, quoi, parce que c'était pas rigolo d'être enfermé dans ce truc. Et maintenant, donc Victor, à quel âge ? Déjà 13 mois. Et un jour, on ne viendra plus Victor. Hein. Il va falloir. Ça, c'est sûr. Il va falloir qu'on les laisse tranquilles. Juste aller faire des coucous. Ouais, voilà. Juste. On marche. Il faudra un moucheron. On va à l'école. Oula. Boum. Tu es fatigué, Victor. Ouais, ça va être là. Merci. Parce que s'il y a rupture du lien, il y a rupture du développement. Oui, ça arrive, oui. Mais parfois, il n'y a pas eu encore rupture du lien parce que le lien ne s'est pas créé. Parfois, il n'y a pas eu rencontre. Et la rencontre, elle doit se faire plus tard, parfois, dans des conditions qui permettent la rencontre. Alors ici, c'est pas la réalité. Hein. C'est un cocon un peu surjoué, mais quand des belles choses se passent, même dans un espace qui n'est pas la réalité, on s'appuie sur ça. Même si les conditions sont créées pour la rencontre, quand elles se passent, ben, ça peut arriver après. Ça existe. Et on s'appuie là-dessus. Et c'est vrai que nous, on témoigne de ça aussi dans notre accompagnement. Parfois, elles sont tellement en souffrance, les mamans, qu'elles n'arrivent pas à avoir aussi des petits moments comme ça de changement qui se passent entre eux dans le lien. Et nous, on peut témoigner de ça. Ici, ça existe. On le porte. C'est une clinique de la crise et c'est aussi une clinique qui évolue très vite. Mais c'est certain qu'à des tas de moments, on ne sait pas. Et qu'importe, on n'a pas forcément à savoir, on doit être là pour accompagner. Et c'est vrai que des parents sont traversés par des mouvements de déliaison interne qui parfois peuvent faire penser peut-être à des mouvements psychotiques. Alors tout simplement, c'est une dépression extrêmement grave. C'est ça qui est très troublant dans cette clinique. Le génie des bébés. La clinique du lien. Ce qui est extraordinaire dans cette clinique, c'est que c'est vraiment une clinique qui évolue vite. C'est-à-dire qu'on peut voir des bébés qui arrivent tellement mal, avec des mouvements de désorganisation, des raideurs, des détournements du regard de leur mère, enfin des souffrances terribles. Et en même temps, 4 mois plus tard, on voit comment les choses se sont complètement transformées, comment ce bébé va bisouiller sa mère, comment cette maman va être à l'affût de tout ce qu'il peut exprimer, et comment du plaisir dans leur rencontre se manifeste, et comment ils peuvent jouer ensemble. C'est-à-dire qu'ils se sont rencontrés, et que voilà, c'est parti, ça peut avancer. Et pourtant, c'était terrible au début, mais ça s'est transformé, et c'est vraiment transformable. C'est vraiment transformable. Un grand merci à Julie Marcoux, pédopsychiatre, au docteur Michel Bartoli, à Michel Anisset, Evelyne Lenoble, Lucie Charial, Aude Lefebvre, Caroline Monin, les mamans et les pères présents, Michel Dunia, psychiatre. Un documentaire de Nejma Bouakra réalisé par Franck Lilin avec l'aide précieuse de Tom Cariou et l'accompagnement persévérant de Michel Dunia. À la prise de son, Christophe Papon. Au mixage, Olivier Dupré. Attaché d'émission, Marie-Bonne Abolivier. Coordination, Perrine Kervran. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter avant le prochain biberon, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Bonne Abolivier, Anaïs Morales et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter où vous voulez et quand vous voulez, le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour se parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Demain, 3e épisode, Savant sans le savoir. Et pensez aux autres rendez-vous documentaires de France Culture, Toute une vie, l'expérience, une histoire particulière et les pieds sur terre.